La fleur rouge de Vsevolod Garchin, traduction anonyme du russe, paru dans la revue Bleue en 1884. Nous avons déjà publié de M. Garchin une remarquable étude intitulée « Après la bataille » dans notre numéro du 26 avril 1884. L'étude dont nous donnons aujourd'hui la traduction a été fort vantée à l'étranger. Cette psychologie d'un fou qui croit sauver l'humanité paraît avoir été prise sur le vif. Chapitre 1. Au nom de Sa Majesté l'Empereur Pierre Ier, dit-il d'une voix sonore et tranchante, je vous notifie qu'il va être procédé à l'inspection de votre maison de fous. L'employé qui inscrivait le nouveau venu sur le grand registre ne put s'empêcher de sourire. Mais les deux hommes qui venaient d'amener le fou par le chemin de fer ne riaient pas. Ils tombaient de fatigue après les deux nuits blanches passées auprès de lui. À l'avant-dernière station, l'accès avait redoublé. Ils avaient dû se procurer une camisole de force et la mettre au malade avec l'aide du conducteur et d'un gendarme. C'est en cet état qu'ils l'avaient amené à l'hôpital. Il était effrayant à voir. Son costume gris avait été mis en lambeaux pendant l'accès. Les longues manches de la camisole de force maintenaient ses bras en croix sur sa poitrine et allaient se nouer derrière son dos. Ses yeux rougis, il y avait 10 jours qu'il ne dormait pas, et dilatés, avaient un éclat singulier fixe. Un tremblement convulsif agitait sa lèvre inférieure. Ses cheveux bouclés et emmêlés tombaient en désordre sur son front. Il marchait de long en large dans le bureau, d'un pas précipité et pesant, examinant d'un air scrutateur les vieilles armoires remplies de papiers et les chaises de Moleskine, et lançant de temps en temps un coup d'œil à ses compagnons de route. « Conduisez-le, » dit l'employé, « à droite. »« je sais, » dit le fou. « Je suis déjà venu chez vous l'année dernière. Nous avons visité l'hôpital. Je sais tout, et il sera difficile de me tromper. » Il se tourna vers la porte. Un gardien la lui ouvrit. Du même pas précipité, lourd et résolu, la tête levée, il sortit du bureau et se dirigea, presque au pas de course, à droite du côté du quartier des aliénés. On avait peine à le suivre. « Sonnez, » dit-il, « je ne peux pas, vous m'avez attaché les mains. » Le portier ouvrit et ils entrèrent dans l'hôpital. C'était un grand édifice de pierre, anciennement construit aux frais du Tsar. Au rez-de-chaussée se trouvait le réfectoire, une grande salle où se tenaient pendant le jour les fous tranquilles, un large corridor dont les portes vitrées donnaient sur un parterre et une vingtaine de chambres à coucher. Il y avait encore 2 chambres noires, contenant l'une des matelas et l'autre des planches où l'on mettait les fous furieux, et une vaste salle voûtée où étaient installés les bains. L'étage supérieur était occupé par les femmes. Il en sortait un bruit confus, coupé de cris et de gémissements. L'hôpital avait été bâti pour 80 personnes. Mais comme il n'y avait pas d'autre asile à 30 lieues à la ronde, on y entassait jusqu'à 300 malades. Certaines petites pièces contenaient jusqu'à 5 lits. En hiver, quand on ne pouvait pas sortir dans le jardin et que toutes les fenêtres étaient fermées, on suffoquait. On conduisit l'arrivant dans la salle de bain. Cette salle aurait produit une impression désagréable sur un individu bien portant, à plus forte raison sur un homme dont l'imagination était troublée et excitée. Elle était grande, voûtée, pavée de dalles visqueuses et éclairée par une seule fenêtre placée dans un coin. Les murs et la voûte étaient peints en rouge sombre. 2 baignoires de pierre, enfoncées dans le sol, formaient comme 2 fosses remplies d'eau. L'angle opposé à la fenêtre était occupé par un énorme poêle de cuivre, par la chaudière à faire chauffer l'eau et par tout un système de tuyaux et de robinets de cuivre. Pour un esprit dérangé, l'ensemble avait un aspect ténébreux et fantastique. Le gardien préposé au bain, un petit Russien gros et silencieux, contribuait encore, par sa physionomie sombre, à accroître cette impression. Lorsqu'on amena le fou dans cette salle pour lui faire prendre un bain et lui appliquer une large mouche à la nuque, selon le système du médecin en chef de l'hôpital, il fut saisi de frayeur et de rage. Des idées absurdes, plus insensées les unes que les autres, tourbillonnaient dans sa tête. Qu'était cela? L'Inquisition? Un lieu d'exécution secret où ses ennemis avaient résolu d'en finir avec lui? Ou peut-être l'enfer? On le déshabilla malgré sa résistance désespérée. Mais il s'échappa des mains des gardiens et il fallut se mettre quatre pour le plonger dans la baignoire. L'eau tiède lui parut bouillante et des idées décousues, des preuves par l'eau bouillante et par le fer rouge, traversèrent son cerveau troublé. Il se débattait, éclaboussait les gardiens qui le tenaient par les deux bras et les deux jambes et débitait d'une voix entrecoupée un discours sans suite où l'on distinguait vaguement tantôt des supplications, tantôt des imprécations. Il vociféra jusqu'à épuisement, après quoi il prononça à voix basse, avec de grosses larmes dans les yeux, la phrase suivante, qui n'avait aucun rapport avec ce qu'il venait de dire. « Saint Georges martyr, je remets mon corps entre tes mains. » Les gardiens continuaient de le tenir, bien qu'il se calmât peu à peu. Le bain tiède, joint à la glace qu'on lui avait mise sur la tête, produisait son effet. On le retira de l'eau presque évanouie et on l'assit sur un tabouret pour lui appliquer la mouche. Mais il eut alors comme une explosion. « Quoi ? Quoi ? » criait-il. « Je n'ai voulu de mal à personne. Pourquoi me tuer ? Oh mon Dieu, je vous en supplie, grâce !» Il se débattait en désespéré sous la sensation de brûlure qu'il éprouvait à la nuque. Les gardiens ne pouvaient venir à bout de lui. Et l'un d'eux, celui qui avait fait l'opération, dit aux autres « Impossible, essuyons-le. » Ces mots si simples firent frémir le fou. « Essuyer ? Essuyer quoi ? Essuyer qui ? C'est moi, pensait-il. » Et il ferma les yeux en proie à une frayeur atroce. L'un des gardiens prit un torchon de grosse toile et le passa rudement sur la nuque, emportant à la fois la mouche et la peau. La douleur causa à l'homme un paroxysme de rage. Il s'arracha des mains des gardiens et son corps nu roula sur les dalles de pierre. Il croyait qu'on lui coupait la tête, essayait de crier et ne pouvait pas. On le porta évanoui sur un lit de camp où il tomba sans avoir repris ses sens dans un sommeil de plomb.